بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره مكتفى بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق، on a pris dans le cours précédent les invocations qui sont relatives, que l'on se doit de dire lorsqu'on sort de chez soi. Et on s'était arrêté sur le hadith « Allahumma inni a'udhu bika an udhil wa udhal wa uzil wa uzal wa adhim aw udhlam aw ajhal aw yujhal wa hariya » Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut savoir que ce hadith-là, il est venu kazalika d'une autre riwaya. Il est venu sous une autre riwaya. « Anna nabiyya » صلى الله عليه وسلم كلما كما قالت ام سلمة قال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي فقط الا رفع طرفه الى السماء فقال اللهم اني اعوذ بك ان اضل ان اضل او اضل. فها هنا لا طيب وكيل المصنف رحمه الله تعالى cette version là du hadith dans lequel ام سلمة رضي الله عنها nous évoque que le prophète عليه الصلاه والسلام avait pour habitude de dire cette dua là, cette invocation là, en regardant vers les cieux. تم الا رفع طرفه إلى السماء. نعم. فهذا كذلك سي. Ça fait partie de la sunna lorsqu'on sort de chez soi. On dit cette dua là tout en regardant vers les cieux, comme l'a fait النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في بعد الرواية, dans une autre riwaya, dans une autre version de ce hadith, il est dit بسم الله توكلت على الله avant. تم بسم الله توكلت على الله اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Donc il y a eu un rajout dans certaines versions. Bismillah, et je prends l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, astahin, comme on a pu le voir, en prononçant le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'Azul-Jilal, Allah, celui qui, lorsqu'il est évoqué, il est mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce la requête, et lorsqu'on lui demande par ce nom-là, par le biais de ce nom-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne. Tawakkaltu ala Allah, c'est-à-dire que c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin qu'est-ce que at-tawakkul shar'an, au sens religieux? Al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zad al-Ma'ad, il a évoqué rahimahullah qu'est-ce que le at-tawakkul. Faqala at-tawakkul i'timad al-qalb ala Allah azza wa jal fi husuli ma yanfa' al-'abd في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. Donc là il nous évoque رحمه الله تعالى qu'est-ce que le tawakkul, qu'est-ce que là le véritable tawakkul, et sur quoi est composé le tawakkul. Il nous dit رحمه الله تعالى c'est le fait, le tawakkul c'est le fait que le cœur s'en remette totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que le cœur s'en remette totalement à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'acquisition d'un profit, soit يعني mondain, dunyawi ou religieux. Fi ma yanfa' al-'abd fi dinihi ou dunyahu. Ou qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être épargné d'un mal relatif aux affaires mondaines, kazalika religieuses. Qala ma'a hadha al-i'timad min mubasharat al-asbab. Et avec cet i'timad, c'est-à-dire que le cœur s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'ils prennent pour cela des causes, al-asbab. Al-tawakkul, ça, c'est basé sur deux choses. I'timad al-qalb ala Allah azza wa jal, parce qu'on sait qu'en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne possède. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut te donner un bien. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut t'épargner d'un mal. C'est pour ça que le cœur s'en remet totalement à Allah azza wa jal, parce que c'est lui qui détient la richesse de l'univers. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. فَذَلِكَ le cœur se remet à Allah عز وجل. تَوَكُّلْ اِعْتِمَادَ الْقَلْبِ. Ton cœur se remet à Allah, parce que tu sais que cette chose-là ne peut arriver que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Car c'est lui qui détient tout les profits, et Allah عز وجل c'est lui qui nous épargne de tout mal. لَكِنْ مَا حَزَارِكَ لَبُدَّ مِنْ أَخْذِ الْأَسْبَابِ. Il faut qu'il prenne pour cela les causes. Et ces causes-là, il faut qu'elles soient au minimum autorisé, mubah. Certaines sont mustahab, certaines sont wajiba, lakin aqal shay, il faut qu'elle soit mubahamma, de prendre pour cela des causes qui sont muharrama, fahadala yajouz. Fatawakul, il repose sur deux choses. Faire les causes, tu veux la science, il faut t'instruire, il faut que tu voyages. Mais est-ce que ceci c'est la cause absolue? Non. Donc il faut l'autre cause qui est le fait que le cœur s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Parce qu'Allah azza wa jal, c'est lui qui parachève bien cet accomplissement qui est le fait de voyager. S'il veut, tu vas arriver à destination. S'il le veut, tu n'arriveras pas à destination. Donc on fait les causes. Talab al-ilm, c'est une cause. J'achète des billets, je me déplace. Lakin, est-ce que c'est la cause absolue? Il se peut que j'y arrive, il se peut que j'y arrive pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et lorsque Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris des armes, yani pour le combat, Allah azza wa jalla, il dit, وَمَا رَمَيْتَ. C'est pas toi qui a lancé lorsque tu as lancé, lakin c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a lancé. Qu'est-ce qui est voulu par l'ayah? C'est pas toi qui a lancé, c'est pas toi qui a fait de cette flèche ou bien cette arme-là, yani qu'elle arrive à destination, qu'elle arrive à son objectif. وَمَا رَمَيْتَ. Le prophète, il a pris l'arme. Il a jeté. Ça, c'est une cause. الآن توكل على الله عز وجل. Il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette flèche arrive à sur l'objectif. Ça, ces hadiths-là, plutôt ces ayats-là, nous montrent كذلك. Qu'est-ce que tawakkul? وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. On fait les causes, lakin les causes ne sont pas les causes absolues. La cause absolue, c'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو التوكل التوكل الشرعي, qui est basé sur deux choses. أخذ الأسباب أي المباحة أقل شيء والاعتماد اعتماد القلب على الله, parce que tu sais que en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te donner un bien ou bien t'épargner d'un mal. أما يعني الصوفية إذا توكل كي ناقص في الحقيقة يعني قطح في الشرع بدعة في الدين وقطح في العقل. Leur توكل c'est une بدعة في الدين, parce que le prophète عليه الصلاة والسلام كي إيمان من المتقين, il faisait les deux choses qui sont évoquées. Ya'timad ala Allah ya azza wa jal, son cœur était remis à Allah subhanahu wa ta'ala, se remis à Allah, et il prenait pour cela les causes. Amma as-sufiya, il délaisse les causes. As-sufiya, il délaisse les causes. Pour le tawakkul, c'est le simple fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala sans faire les causes. Hatta ils ont évoqué qu'à l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, dans son kitab Talbis Iblis, que certains des sufiya, ils voient que la personne qui prend les asbab, qui fait les causes pour faire une tijara, qui sort, qui crée un projet, ceci et cela, ils disent que ça c'est sandaf et tawakkul. Ça montre que cette personne-là, il a de la faiblesse. Pour le haqiqatu tawakkul, c'est le fait de rester à la maison et que la dunya va venir. Parce que ton cœur, il s'en est remis en Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va faire les choses. Même si jamais tu fais pas les asbab, tu prends pas les causes pour cela. Fahada, c'est une bid'atu fi shar, c'est une innovation dans la religion. Le prophète qui était l'imam des muttaqin faisait les causes. Bal yani Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jalla lui a demandé de prendre le bâton et de taper sur la mer afin que la mer s'ouvre en deux. Allah azza wa jalla, s'il aurait voulu, sans que Moussa prenne un bâton et frappe la mer se serait ouverte. Lakin Allah azza wa jalla lui a demandé de faire les causes. Et parmi cela, cette cause-là, le fait de prendre un bâton et de taper. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a parachevé cette cause-là, qui l'a fait, qui l'a ramené à son accomplissement. Enfin, Moussa alayhi salam, et كذلك الأنبياء, ils prenaient l'asbab. Voilà, c'est même les oiseaux, ils comprennent mieux le tawakkul que les soufis. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير يغدو خصام يغدو نعم خصاما ويروح بطانا. L'oiseau, il fait les causes, il reste pas dans son nid pour et il attend que la subsistance elle vient. Il cherche la nourriture, il va à droite à gauche, il va à la droite à gauche, il fait les causes, il sort de chez lui. Fa'awala, ils ont compris le tawakkul ahsan min as-sufiya. Amma, ils disent que tu restes chez toi et tout va venir. Hada, c'est une déficience dans la mental. C'est un naqs, c'est un manquement. C'est totalement faux de penser cela. Fa bismillah, atawakkal ala Allah, je sors. Je vais être présenté à faire une activité qui est mondaine, travailler, ceci et cela. Donc je prends l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car je ne peux accomplir cette activité-là en dehors de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu, je atamid. Ce que je suis en train de faire, c'est une cause. Est-ce que c'est la cause absolue? Là, ça faut pas l'oublier. Certains, ils vont pour aller travailler et croient que le fait de se lever et de partir comme tous les matins, c'est une habitude qui s'installe dans les cœurs et ils pensent que c'est la cause absolue. Le fait que je sors pour aller prendre le train, le bus pour aller travailler, c'est la cause absolue qui va ramener le salaire à la fin du mois. Là, ça c'est une cause et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui parachève cette cause-là. Il ne faut pas oublier at-tawakkul. C'est pour ça, ce rappel-là, lorsqu'on sort, c'est important, jiddan. Wa illa al-insan yatanasa, il oublie. Et pense que les choses se font automatiquement, je sors, et mon risque vient par rapport au fait que moi je sors, que je fais les efforts pour aller travailler, et après on arrive à l'aqida de Qarun. Innama utituhu ala hil min indi. C'est moi qui est la cause de cette acquisition-là. Enfin, ça c'est un tazkir. Bismillah. Tu n'es rien sans l'aide d'Allah, Azza wa Jal. Je prends l'aide auprès d'Allah. Tawakkaltu ala Allah, mon cœur se remet à Allah, parce que sinon je ne pourrais pas avoir cette chose-là. Ça c'est important du den. Kazalika, al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh al-Iryani, il a évoqué un hadith. Lakin, il y a kazalika un autre hadith qui est bien aussi de dire, et je pense que c'est celui qui est beaucoup plus propagé. Le hadith rapporté par Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, qui est dans As-Sunan, Abu Dawud, Tirmidhi wa An-Nasa'i ghayri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qala, ya'ni idha kharaja min baytihi, celui qui dira, lorsqu'il sort de chez lui, bismillahi, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. S'il dit, bismillah, et je prends l'aide auprès d'Allah en prononçant le plus grand et le plus beau nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car je ne peux rien sans l'aide d'Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, rabbul alamin. Tawakkaltu ala Allah, car le pas que je suis en train de faire pour me diriger vers cette activité mondaine ou religieuse, ou bien pour aller me promener, ou bien faire mon sport et l'akhiré, je ne peux le faire que si Allah Azza wa Jal parachève cette cause-là. Qala wa la hawla quwwata illa billah. C'est un peu un ta'kid de bismillah, comme on a pu voir. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire que tu ne peux faire un mouvement, tu ne peux faire te déplacer, faire une chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Billah, yani l'istihana. Comme si même Babet Okid, on a même pu voir la parole de Sheikh al-Uthaymin que la hawla wa la quwwata illa billah, c'est la dua la plus prolifique et la plus bénéfique pour la demande, pour implorer l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, tout ça c'est des rappels. Je ne suis rien. Ana ajiz. Je suis impotent. Si Allah Azza wa Jal ne me donne pas l'aide. Ça c'est un tawadu' jiddan. Lorsqu'on sort, on le dit, mais on le dit avec le cœur. On le dit kadhalika avec les membres. Les membres, ils œuvrent kadhalika de ce que veut dire ces paroles-là. Donc si jamais Allah Azza wa Jal me permet de pouvoir m'adonner à des activités, il faut que ce soit dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas dans la désobéissance. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, et ensuite il va faire al-haram. Astaghfirullah, ça c'est grave. Qali yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanha anhu ash-shaytan. Le hadith il est authentique. Lorsque il dira cela, on lui dira kufita, et tu es dans la suffisance. Tu es sous la protection d'Allah Azza wa Jalla, si on peut dire cela. Allah subhanahu wa ta'ala te suffit, n'am. Qala wa wuqita, et tu es protégé, préservé. Qala wa hudita, tu es sur une bonne guidée, parce que tu prends l'aide auprès d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la baraka dans tes pas, va mettre la lumière vers la destination où tu te diriges, si c'est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Hudita. Qala wa tanaha anhu shaytan. Hudita et wuffiqta. Parce que le hidayah, elle divise en deux. Hidayah, c'est-à-dire le bayan, afin de comprendre les choses. El hidayah, c'est quoi? At-tawfiq. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a évoqué les deux hidayah sur le prophète, de manière affirmative et de manière négative. قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. On évoque le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit tu guides vers un chemin droit, qui est le Coran, qui est le din. وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببته. Et là il a, عز وجل, il a évoqué la négation. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Ils ont dit les ulama, la première guidée qui est affirmée, c'est hidayatu al-irshad al-ta'lim. Dans le prophète, il enseigne à ses compagnons, aux personnes qui se trouvaient en face d'elle, lakin, est-ce que ceci suffit? C'est une cause. il faut qu'Allah Azzawajal yani accomplisse et parachève cette cause-là. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu ne guides pas celui que tu aimes. يعني لا توفقه لدخول في الإسلام. Tu ne peux pas le faire rentrer dans l'islam. C'est Allah qui fait rentrer les gens dans l'islam. Toi, tu montres, si Allah sait que cette personne-là a un bien, il va lui faire entendre. Et il va le rendre ce rappel-là bénéfique pour lui. قال وتنحى عنه الشيطان. Et le shaitan, il va s'écarter de lui. Parce que tu as dit Bismillah. Dans un hadith, il est venu que shaitan, lorsque tu dis Bismillah, il y a tes sahar. Il devient tout petit, il se fait tout petit. Hatta yakun kazzubab. Au point de devenir, yani, sous une forme d'une mouche. Très petit. Pourquoi tu prends l'aide auprès d'Allah? Wa qala subhanahu wa ta'ala, in yansurkum Allah, fala ghaliba lakum. Si Allah Azza wa Jal vous assiste, qui va pouvoir vous dominer? C'est pour ça qu'il s'écarte. Ça ne sert à rien du tout. كفيت وهديت تم وفي بعض الروايات كيف لك برجل قد كفي ووقي وهدي. Qu'est-ce que tu peux faire? Et un shaitan, il dit à un autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à une personne qui est dans la suffisance, qui est sous la protection et qui est guidée? Enfin, ça c'est une dua qui est عظيم جدا. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Lorsqu'on sort, shaitan il s'écarte de nous. نعم. Si jamais on sort comme cela sans basmala, shaitan, la kabe mirsad, il se rue sur toi. Sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا خرج من منزله لابد أن يعاشر الناس ويزاول الأمر. Il dit que l'insan, lorsqu'il sort de la maison, de son domicile, il est obligé d'être confronté au fait de fréquenter des gens. ويزاول الأمر. كذلك يعني s'adonner à des activités. قال فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم. Et là, lorsqu'il parle insan, c'est celui qui est préoccupé par sa religion. Faïssa, il a peur. Ce pas-là que je fais, est-ce que ça va être un pas qui va être vers le paradis ou vers l'enfer? Est-ce que c'est un pas qui va m'écarter de ma religion ou qui va me rajouter en religion? قال فإما أن يكون في أمر الدين, soit il se dirige vers une affaire religieuse, une activité religieuse. قال فلا يخلو من أن يضل أو من أن يضل أو يضل. Il n'est pas à l'abri. Soit il égare les gens ou soit il se fait égarer. C'est pour ça qu'il dit, il demande la protection auprès d'Allah. Allahumma inni a'udhu bika an udil wa udal. Et كذلك lorsqu'il dit Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, on lui dira quoi? Hudita. Tu es guidé. Donc tu ne pourras pas faire du mal à autrui, plutôt à égarer autrui ou bien t'égarer. Il se peut que tu apprends une chose, tu l'as mal compris de ton cheikh et tu la transmets à un autre, tu crois que c'est un cadeau, en vérité tu es en train de l'égarer. قال وإما أن يكون في أمر الدنيا, soit il est dans une activité mondaine. قال فإما بسبب جريان المعاملات, يعني إما dans une activité mondaine, c'est-à-dire que là il peut faire preuve de ظلم, d'injustice. C'est pour ça qu'il a dit أعوذ بك أن أظلم أو أظلم, que je sois injuste ou bien que je subis une injustice, parce que tu es amené à faire du commerce, à faire de mu'amala avec les gens. قال وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة, soit il va sortir pour rencontrer des gens, yani, se promener. Donc là, il n'est pas à l'abri d'avoir une attitude, un comportement qui n'est pas convenable. Yani, ou bien que ce soit l'inverse, que des gens aient un comportement qui n'est pas convenable envers lui. C'est pour ça qu'il a dit أن أجهل, que je fasse, yani, que j'ai un comportement d'ignorant, أو يجهل علي, ou que les gens se comportent avec moi comme des ignorants. Ensuite, il évoque, رحمه الله تعالى, que l'autre hadith, celui qu'on a évoqué, بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, il dit قوله أن يعني قوله في الحديث هديت, il dit ça comporte la parole إن أعوذ بك أن أضل أو أضل. هديت, tu es guidé, donc tu ne peux pas égarer, on ne peut pas t'égarer. قال وقوله كفيت, dans le hadith qu'on a pu évoquer, يعني كفيت, t'es dans la comment s'appelle, la suffisance, ou plutôt dans la protection, t'as de faire de l'injustice ou bien que tu subisses toi-même une injustice. وَوَقِيْتَ, et tu es préservé de te comporter comme un ignorant avec les gens ou que les gens se comportent envers toi comme un ignorant. Enfin, c'est un hadith qui est عظيم جدا, les deux hadiths. Soit lorsqu'on sort, on dit Bismillah et on regarde vers les cieux, comme le fait le prophète عليه الصلاة والسلام. Tawakkaltu ala Allah. Et c'est le mieux de ramener la version entière. Et on ramène Bismillah Tawakkaltu, c'est mieux. Parce que ça nous rappelle le Tawakkul, ça nous rappelle c'est Al-Isti'ana, qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien faire en dehors d'Allah. Donc lorsqu'on sort, on dit Bismillah Tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udhu bika an udil, ou udal, ou azil, ou uzal, ou azlim, ou uzlam, ou ajhal, ou yujhalu alayya. Ça c'est la première. La deuxième, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et on le dira, ou plutôt les shaitans diront, on ne peut rien faire contre une personne qui est guidée, qui est dans la suffisance et qui est sous la protection d'Allah. Wa tanahha, il s'écarte de toi. C'est deux du'as qui sont muhim et importants. Il y a un autre hadith qui est venu dans ces termes-là, mais qui n'est pas authentique. Rapporté par Ibn Majah ou Ibn Sunni. Sur la Bukhari, il y a un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait de chez lui, disait, Bismillah, tuklani ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un peu le même, le premier hadith. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, tuklani ala Allah, c'est la même chose. Tuklani, c'est-à-dire un tawakkul. La hawla wa la quwwata illa billah. Lakin, tuklani ala Allah, c'est pas authentique. Donc, même si jamais tu te dis, au fait, c'est un synonyme. Que je dise Bismillah tawakkaltu ala Allah ou bien Bismillah tuklani ala Allah, quelle est la différence? La différence c'est le suivi. C'est que le prophète l'a dit et l'autre ne l'a pas dit. Plutôt le hadith il est pas authentique. C'est comme la personne qui débattrait dirait quelle est la différence entre dire lorsque tu fais le takbir al-ihram pour entrer dans le takbir al-ihram lorsque tu rentres dans la salle, quelle est la différence entre le fait de dire Allahu Akbar ou bien Allahu Ajal? Donc ici, on ouvre ces portes-là, on va aller loin. Donc on va innover, on va venir devant pour la prière, Bismillah Ajal, ou plutôt Allahu Ajal, Allahu A'zam. Le suivi. Qala ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Qad kufitum. Suivez et évitez d'innover. Vous êtes dans la suffisance, vous avez que juste à suivre. Le hadith il est pas authentique. Bismillah, tuklani ala Allah. Ça, on ne dit pas de cette manière-là. On dit, tawakkaltu ala Allah. Comme l'a dit le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith n'est pas authentique. Qala rahimahullahu ta'ala, bab, ma yakul idha dakhala baytahu. On a vu la dua lorsqu'on sort de chez nous, et la dua lorsqu'on rentre à la maison. Hada min rahmatillah. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Parce que Shaitan, comme il vient dans le hadith, Jabir ibn Abdillah, yahduruka fi kulli shay'in min amri. Tout ce que tu fais, que tu veux entreprendre, Shaitan, il va se mettre devant toi. Il a juré par Allah qu'il va la urwiyannahum ajma'in. Qu'il va tous les séduire ou faire, yani, les efforts pour cela. Il a juré par Allah. Parce qu'il est fini, khalas. Sa destinée, c'est l'enfer. Donc il veut ramener le maximum de gens avec lui. Et ce sera le cas. Comme il vient dans le hadith, la proportion des gens qui vont rentrer en enfer sur 1000 et 1 sur 1000. 999 en enfer et 1 sur 1000. Sur 1000 personnes à chaque fois, 1 rentrera au Jannah, le reste en enfer. Le askar, comme on a pu voir, c'est un des plus grands sebabs qui te permet de te préserver du mal de Shaitan et de son hostilité. Comme on a pu le voir, c'est le dhikr, c'est semblable à une citadelle. C'est pour ça que la plupart ont appelé ces livrets-là comme citadelle, il y en a du musulman. Dans laquelle tu te réfuges et le shaitan ne peut rien faire contre toi. Ça c'est important. Hatta lorsque tu rentres chez toi. Pour préserver ton foyer. Et ça c'est important, wallah. Des fois tu te dis d'où est venu ce divorce-là, d'où est venu ce problème-là, d'où est venu que mes enfants ont eu tel et tel problème, ou moi j'ai eu tel et tel problème, parce que t'as pas dit bismillah quand t'es rentré chez toi, peut-être. Tout simplement. Comme on va le voir, inchallah. قال رحمه الله تعالى قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le prophète disait إذا دخل الرجل بيته lorsque la personne rentre chez lui فذكر الله عند دخوله وعند طعامه et il évoque Allah عز وجل il le mentionne lorsqu'il rentre chez lui et lorsqu'il prend son repas قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء le shaitan dira et aux autres parmi ses alliés donc ça montre qu'il n'est pas tout seul c'est pas un c'est une armée qui s'apprête à rentrer chez toi. Nasallah al-afia. Al-Shaytan, qala la mabit lakum wa la asha. Vous n'avez ni d'asile et ni de repas. Donc, awalan, en plus, yani, il t'égare en plus, yani, il mange. Nasallah al-afia. Yani, c'est un adou moubin, jiddan. Yani, c'est-à-dire, il squatte la maison, il mange, et en plus, il t'égare. où il essaie d'égarer yani, ta famille, faire du mal yani, à ta famille, à tes enfants, à toi-même. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. Si jamais il rentre et il n'évoque pas le nom d'Allah عز وجل, et ça c'est la calamité, c'est le désastre. قال الشيطان, le shaitan dira, أدركتم المبيت, vous avez trouvé le refuge, vous avez un hôtel. قال وإن لم يذكر الله عند طعامه, et s'il n'évoque pas Allah عز وجل lorsqu'il prend son repas, قال أدركتم المبيت والعشاء, vous avez l'asile et vous avez le dîner. Hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, c'est un hadith qui est énorme, qui montre l'hostilité de Shaitan et qu'il est prêt à tout yani, pour pervertir Ben Adam, comme on peut le voir dans le hadith. قال الشيطان, le Shaitan dira à un autre, yani, c'est pire que des cambrioleurs, il rentre chez toi et cambriole ta foi. Il est prêt à cambrioler ta foi, à voler ta foi, à faire yani, l'asbab pour pervertir ta famille. Enfin, on voit les gens, ils prennent yani, tous les asbab possibles pour se préserver du mal des gens parmi les voleurs et autres. Ils achètent des alarmes, ils achètent des caméras, peut-être yani, ils embauchent un gardien, ils achètent des chiens de garde et l'akhiri, des codes et tout, portes blindées, pour éviter que le voleur y rentre, laquelle ils oublient, lorsqu'ils rentrent chez eux, de dire « Bismillah ». La protection contre les shayatins, les voleurs de iman, ceux qui cambriolent les foi, ceux qui pillent les foi et qui pervertissent les foi. Les tiennes et les celles d'envoyer. Enfin, on se doit d'avoir une préoccupation qui est beaucoup plus grande. Yani pour les affaires de ad-din. Et ça ne demande pas d'acheter, yani comme c'est le cas, yani des cadenas, de ceci et cela, c'est de dire juste bismillah. De ne pas être étourdi. De savoir que Shaitan, c'est un adouwun mubin, comme a dit subhanahu wa ta'ala. Inna Shaitan, lakum adouwun fattakhidhuhu adouwa. Shaitan est certes un ennemi, prenez-le comme ennemi. Donc il faut s'armer. Et la meilleure des armes, c'est le fait d'être éveillé. Parce qu'Allah dit, wala takum minam ghafini, ne soyez pas parmi les insouciants, les étourdis. Enfin, Shaitan, il est prêt à tout. Ikhwani, il est prêt à tout pour nous pervertir, pour faire qu'on fasse partie de ses partisans. Et ça passe par le fait de... Ça commence par ton foyer. Par ton foyer. Inna shaytan, comme on dit dans le hadith, yahduru ahadukum inda kulli shay'in min sha'nihi, hatta yahduruhu inda ta'ami, hatta inda al-jima', hatta lorsqu'il veut avoir un moment intime avec sa famille. Shaytan, il est prêt, il est là aussi, kadarik. Enfin, lorsque on rentre dans la maison, il faut savoir que il y a des cambrioleurs qui sont derrière nous, il y a des voleurs de foi. Une vol qui est beaucoup plus grand que l'argent et ceci, cela. Il faut que ça soit comme ça. J'utilise des termes qui paraissent un peu bizarres. Lakin, il faut que ça soit comme ça dans nos têtes. Derrière nous, il y a des gens qui sont prêts à rentrer. Si jamais tu vois une personne avec des sacs, des bandits qui sont derrière toi, qui veulent rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les asbab. Pour pas qu'ils rentrent. Là, c'est kadalik. Là, c'est sûr, c'est tous les jours. Mahada, c'est peut-être une fois par an. Là, c'est tous les jours. Des fois même, hatta yani, il faut éduquer les enfants. Parce que l'enfant, des fois, il sort, tu l'envoies au dukkan, à la boutique, il fait des allers-retours. Il rentre, pas de bismillah, il sort, pas de bismillah, il rentre, pas de bismillah. Et Shaitan, il rentre, aller-retour. Il faut qu'on éduque yani, nos enfants, kadalika. Il faut qu'on soit éveillé, et si on a une famille, il faut qu'on les éveille. Des fois, les problèmes, ils viennent, on les cherche. Les problèmes, ils viennent juste parce que t'as pas dit bismillah quand t'es rentré chez toi. Faire pas de baisse. Et Shaitan, c'est un ennemi. Donc il faut prendre les armes pour cela, pour le combattre. Et le meilleur des armes, c'est qu'on soit éveillé, et c'est le fait de rappeler, de se rappeler, de mentionner Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Deux syllabes. Bismillah. Faqat. Et subhanallah, des fois on est étourdi. Ça c'est khayr ma yattakhid insan li muharabati al-shaytan al-dhikr. Comme on a pu le voir, c'est une forteresse. Ta maison, c'est une forteresse. Il ne peut pas rentrer Shaitan. Il retombe. Parce que le al-dhikr, c'est comme un madfa. C'est comme un canon qui le repousse très très loin. Comme il est venu dans le hadith. Tamiza nudi al-sana adbara ash-shaytan. Lorsque la prière est, lorsqu'on fait l'adhan pour la prière, Shaitan il s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il entend le rappel d'Allah. Hatta il évoquait qu'il a des, yani, il flatule afin de, qu'il n'entend pas le zikr. Tamiza billah. Hatta la yisma al-ta'adhin. Qala fa idha qudiya nida aqbala. Lorsque le nida il est fini, l'appel à la prière est venu, il revient. Il revient à la chasse. Hatta idha thawwaba bis-sala atbara. Et lorsqu'on fait l'iqama, il repart. Lorsque l'iqama est fini, il revient. Shayatin sont prêts à tout pour nous égarer. On n'a pas besoin d'une armée, on a besoin de bismillah et de qu'on soit éveillé. Qu'on soit éveillé. Anna rajulan, déjà fait le hadith, anna l'imam Abi Daoud, rahimahullah, anna rajulan. Kana radif al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa uthirat ou fa ad. Une personne était sur une monture avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il était derrière lui et le prophète il était sur la monture avec lui. Fa yen dabba yen une monture, il y en a parmi les montures des sahaba qui est tombée. فقال تعس الشيطان celui qui était derrière le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit تعس الشيطان malheur à الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول تعس الشيطان ne dis pas تعس الشيطان malheur à الشيطان maudit soit-il قال فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم حتى يكون مثل البيت si tu dis تعس الشيطان الشيطان il va se gonfler parce que là il va dire يعني بقوتي c'est moi. C'est à cause de moi que l'animal, que la monture elle est tombée. Parce que là, tu évoques Shaitan, tu dis Ta'is al-Shaitan, donc il dit oui, c'est moi. Fayata'adam, il se gonfle d'orgueil. Hatta yakuna kel bait, hatta qu'il devient d'une dimension telle qu'une maison. Yani, yata'adam, il se gonfle d'orgueil. Na'am, c'est moi. Biquwa si yakul hakada. Yata'adam. Qala sara'tuhu, c'est moi qui ai fait qu'il est tombé par terre. Qala lakin idha qulta bismillah, deux syllabes. Par terre, chaos. قال تصغر حتى يصير مثل الذباب. Il va devenir aussi petit qu'une mouche. Il va se dégonfler directement. Deux lettres. Bismillah. Tu le dis, impossible que Shaitan y rentre. يتصغر. Tu l'as humilié, il retourne en arrière. Donc ça c'est important. Hadith عظيم جدا. Bismillah. Donc on a à travers ce dhikr, lorsqu'on rentre dans nos foyers, Bismillah, une protection azima jiddan contre les plus grands des voyous, les plus grands des malfaiteurs, qui sont les shayatin, ceux qui sont prêts à voler la foi qui est dans nos cœurs, et les pervertir kazalika. Fa'amma, si on oublie, déjà qu'on est à plaindre, on a des manquements dans le comportement, des manquements dans la dévotion, des manquements dans le din, des manquements envers nos enfants, déjà on est à plaindre, on est rempli de problèmes. Alors en plus, on ouvre les portes aux shayatin. C'est comme si on venait, on s'égorgeait, on se tirait une balle dans les pieds, quoi. C'est-à-dire que on veut en finir avec nous-mêmes. C'est du suicide, Yann. Le fait de rentrer comme cela, comme si jamais tu rentrais, je sais pas où, sans dire bismillah, sans te soucier que t'es en train de ouvrir un danger, mais énorme à ta famille, énorme à ta famille. Qui est le fou qui va laisser des cambrioleurs entrer dans sa maison, des voleurs entrer dans sa maison? Personne va le faire. Lakin shayatin, ils sont là. C'est des plus grands voleurs, les plus grands malfaiteurs. Donc il nous incombe, en tant que mu'min, en tant que rijal, en tant que homme, surtout ceux qui ont des familles à charge, des enfants à charge, de se comporter comme des hommes, comme des responsables, comme des adultes. Et de faire preuve, yani, de mansuétude, de rahma pour nos familles. En disant, lorsqu'on rentre chez nous, bismillah. Et kazalika, en enseignant à nos familles, de ne pas oublier de dire bismillah, surtout les enfants. Surtout les enfants avec les allers-retours. Ça peut être du mal, Yanné, pour nos demeures. Ça peut être du mal pour nos demeures. Tu fais l'asbab, la kien, t'as une famille, qu'il y a des cas qui font bien. Shayatin, il rentre. Donc il faut qu'on soit tous, Yanné, que tous les cœurs des personnes dans ce foyer convergent vers ceci. À évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. De dire bismillah lorsqu'on rentre. Ce hadith, qu'il y a des cas, à travers cela, on va tirer un grand enseignement, ce qui est qu'on doit faire l'asbab pour protéger nos familles. Dans ce hadith-là, il nous montre que l'insan, al-mu'min, le responsable, al-ra'i, il se doit de préserver sa famille, son foyer. Wa fil hadith, kullukum ra'in wa mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables et vous serez questionnés sur vos responsabilités. Qala al-rajul ra'a ala ahli. L'homme est responsable de sa famille. Donc ce hadith-là, il nous évoque qu'on se doit de se comporter comme des responsables et ne pas faire preuve d'irresponsabilité et d'ouvrir les portes du mal à nos familles. Et ceci inclut le fait de rentrer des choses qui vont pervertir nos familles. Yani, on se soucie de dire bismillah afin que Shaitan n'y rentre pas. Mais on ramène des télévisions avec plein de programmes de débauche, avec plein de programmes, yani, a'azhu billah, a'azhu wa jal, wa suwar, tadkhul fil bayt. Kazalika net, on laisse des tablettes, on laisse les téléphones à nos enfants. Tu dis bismillah et ensuite t'es en train de ramener du poison à tes enfants ou à ta famille. C'est pas logique. Ça, c'est contradictoire. Ce hadith-là nous demande d'agir en tant que responsable et de faire les causes pour cela. On a des attitudes, subhanallah, on fait fuir les malaïkas de nos maisons et c'est les diables qui viennent prendre leur place. On rentre les choses qui font fuir les malaïkas. Innal malaïka la tadkhulu baytan fiha kalbun wa la sura. Les malaïkas ne rentrent pas dans les demeures dont il se trouve les images figurées, il y en a de personnes. Et ni kazalika les chiens. On rentre des tyrans, certains rentrent de la télévision, ceci, cela. Programme, yani, iyad billah. La débauche, yani, 24 sur 24. Fa'ayna le sens de la responsabilité. Et le contradictoire dans cela, et j'ai pu l'entendre, des personnes qui vont dire à leurs enfants, fais gaffe, fais attention. Qui tu fréquentes lorsqu'il sort? Fais attention à l'école de ne pas parler avec. Et il lui donne la tablette, il n'est pas à côté de lui, ou bien il ne met pas, comment ça s'appelle, il ne paramètre pas la tablette. Il le laisse, yani, regarder ce qu'il veut, sans surveiller. Enfin, c'est encore pire. Il dit, fais attention à tes fréquentations, il lui donne le net. Dans le net, il y a tout. Il y a des voleurs, il y a des chrétiens, il y a des koufars, il y a des délinquants, il y a des musiciens, il y a tout. Tout char, il est là. C'est encore pire que dehors. En 2-3 clics, t'as tout l'ashrar sur ton canapé. 2-3 clics, t'as tout l'ashrar, tous les malfaiteurs, l'ashrar est là avec toi. Enfin, il est où le sens de la responsabilité face à nos familles, à nos enfants? Si on dit bismillah afin de préserver nos foyers de shayatin, fa kazalika on fait l'asba pour pas les pervertir. Enfin, ça c'est muhim jiddan, ça c'est un tenbi, wa nasiha, li wa lakum, nasallahu azza wa jal, wafiqana wa yakum lima yarda. Allah azza wa jal nous donne la réussite dans ce qu'on fait, on entreprend, il faut être responsable. Tam kazalika parmi l'askar qu'il est légiféré de dire, wa fil haqiqa, c'est la ayah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha dakhaltum buyutan, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Et lorsque vous pénétrez dans vos maisons, سَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, passez le salam sur les gens du foyer. تَحِيَّةً, et un salut, مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, provenant d'Allah, مُبَارَكَةً, plein de bénédictions, طَيِّبَةً, et plein de bien. فَسَكَذَلِكَ. L'homme responsable, il rentre, il dit bismillah, il ferme les portes du mal, et il dit assalamu alaykum, et il ouvre les portes du bien sur sa famille. Sur lui-même et sur sa famille. Assalamu alaikum. Tahiyyatan min indillah. Mubarakatan tayyiba. Plein de khair. Et ça, c'est l'homme responsable qui rentre dans le foyer. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans le hadith, ou plutôt dans l'aya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fasallimu ala anfusikum. Certains ont dit, hatta si jamais tu rentres dans une maison où il n'y a personne, tu dis salamu alaikum. Ala fi khilaf, as-sahih, c'est que sallimu ala anfusikum et sallikum sallimu ba'dukum ala ba'din. Yani rendez-vous ou passez le salam yani mutuellement. Yani, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là. Ça c'est le qawl sahih. Fi khilaf dans la mas'ala, lakin ça c'est le qawl sahih. Mathal al-mu'min fi tarahumihim wa kama mathal al-jasad. Les croyants sont tels à un corps. Et kadhalika la ayah qawl subhanahu wa ta'ala law la sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minat bi anfusihim khayran. Lorsqu'ils ont entendu yani, ce qui a été dit en mal sur Aïcha, certains ils ont pensé des mauvaises pensées. فَقَالَ لَوْ سَمِعْتُمُوهُ, Allah Azza wa Jalla les a réprimandés. Lorsque vous avez entendu cela, pourquoi vous n'avez pas pensé les uns sur les autres en bien? فَقَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ وَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ. بِأَنفُسِهِمْ, c'est-à-dire ni mutuellement, comme dans l'aïa. سَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, et mutuellement. Ça c'est ce qui est sahih, Allah. Enfin, on dit salamu alaykum. Salamun, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous épargne. Al-an, lorsqu'on dit salamu alaykum, certains c'est comme bonjour. Wal-i'adhu billah. Salamu alaykum, c'est pas bonjour. Salamun alaykum, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal te préserve. Et qu'Allah Azza wa Jal t'épargne. C'est une dua. On oublie ça. C'est une dua. Salamun alaykum, c'est une dua. Que tu sois dans la paix, dans le salut. Que tu sois préservé. C'est pas bonjour, c'est pas ceci et cela. Salamun alaykum, c'est très grand. كذلك parmi l'adhkar, et في الحقيقة ça rentre avec l'aya, فسلموا على أنفسكم, لكن un hadith qui montre aussi le mérite de dire salamu alaykum lorsqu'on rentre. Le hadith il est rapporté par Abu Dawud, il est fait sonan, je ne sais plus, en tout cas, authentifié par Shir Mughbal, rahimahullah ta'ala, dans Al-Mustan al-Sahih, le numéro 486. من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامنون على الله عز وجل Il a cité trois catégories de personnes qui sont sous la garantie d'Allah Azza wa Jalla, sous la protection d'Allah. قال رجل خرج غازيا في سبيل الله, un homme qui est sorti en expédition et في سبيل الله, en jihad. قال فهو ضامن, il est garanti على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخل الجنة. Allah عز وجل lui garantit le paradis si jamais il en meurt, yani, dans cette expédition là, dans ce jihad. قال أو يردهم بما نال من أجر وغنيمة, ou Allah il le fait revenir en yani, il épargne et il le fait profiter du butin de cette expédition là. قال ورجل راح, donc là c'est le deuxième. ورجل راح إلى المسجد, celui qui est parti à la mosquée, il s'est rendu à la mosquée pour prier. قال فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخل الجنة. Allah عز وجل il lui garantit de le faire entrer au Jannah si jamais il arrivait à mourir sur son chemin. Et ça nous montre le fard de masajid et le mal qu'il y a dans le coronavirus. Allah عز وجل يرفع عنا البلاء, parce qu'on est privé de beaucoup de choses comme ça, le fait d'aller à la mosquée. Il se peut que tu en meurs sur ce chemin-là, et c'est un sebab pour entrer au Jannah. Lakin, les mosquées sont fermées. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire beaucoup d'istighfar afin qu'Allah Azza wa Jalla nous lève cette épreuve-là. Parce que on est privé de beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de ajr par rapport à, qui sont relatifs au masajid. Et c'est le meilleur des endroits. Le meilleur des endroits pour le mu'min, c'est la mosquée. Allah Azza wa Jalla, il dit, les meilleurs endroits auprès d'Allah Azza wa Jalla sont les mosquées. Le hadith est rapporté par Muslim. Rahimah Allah. قال او رد او يردهم بما نال من اجر مغنيما, ou bien il le fait revenir yani à la maison avec tout ce qu'il a réuni comme ajr lorsqu'il est parti à la mosquée, lorsqu'il est revenu. Troisième catégorie, قال رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله, et celui qui rentre dans sa maison, c'est-à-dire qu'il a dit bismillah au préalable et ensuite il a dit salam alaykum, قال il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est azim jiddan. Lorsqu'on rentre, on dit salamun alaykum, on est sur la protection d'Allah Azza wa Jalla contre le mal de nos personnes, le mal de nos familles et le mal des shayatin. Nasallahu Azza wa Jalla anfa'na wa yakum bima sami'na wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi.